Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 30e numéro de Sur nos écrans, un numéro qui sera consacré à un double débrief sur les derniers épisodes d'Arrow et de The Flash, les deux séries de la CW. Avant ça, on fera évidemment notre petit bilan de notre semaine série. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 30e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. The dead will disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. Et Léo. Salut. Alors, on va commencer, comme de coutume maintenant, par notre petit bilan de notre semaine série. Qu'est-ce que vous retenez en bien, en mal, etc. Est-ce que vous avez envie de faire un top dans l'ordre de ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé? Peu importe, sachez juste que vous êtes, comme d'habitude, limité à 1 minute 30 chacun. Et comme d'habitude, dans l'ordre alphabétique, c'est donc toi, Arnaud, qui commence. Moi, ça va être rapide parce que j'ai énormément de retard et je suis juste à jour sur Flash Arrow. Donc, j'ai gardé ça pour après. Et juste pour préciser que comme Mathieu qui tombera après, j'ai pu voir les premiers épisodes de Jessica Jones. Donc c'est aussi la seule chose sur laquelle je suis à jour, même plus qu'à jour, disons. C'est donc j'ai vu les 5 premiers épisodes et on en parlera début décembre. J'ai trouvé ça excellent. C'est très dark, très très psychologique et ça s'éloigne énormément des comics que personnellement j'adore. Mais ça, l'histoire s'en éloigne beaucoup. Et je trouve que c'est justement une très bonne chose qu'ils s'en éloignent parce qu'ils l'ont très bien adapté. Ça aurait été impossible de faire ça en version télé. Et c'est une très bonne nouvelle et ce qu'ils en ont fait est tout aussi bien que ce qu'il y a dans les comics. Clément. Moi, du coup, je vais pas parler pour le monde Arrow et de Flash. Je retiendrai quand même l'épisode de cette semaine de la Sons of S.H.I.E.L.D. qui m'a beaucoup plu. Ça évolue, ça promet plein de bonnes choses pour la suite. Donc c'est vraiment dans la même lignée que l'épisode précédent, donc c'est très bon. Ok, Irish. Un gros bravo à Agents of S.H.I.E.L.D. qui m'avait vraiment enthousiasmé. J'ai trouvé l'épisode génial. C'est pas non plus le summum du summum, mais je me suis vraiment éclaté devant cet épisode, donc c'est la série que je mettrai en avant cette semaine. The Flash aussi qui était superbe, mais on en reparlera plus tard. Idem pour Arrow. Ensuite quoi d'autre? Supergirl, j'ai bien aimé l'épisode de cette semaine, Seven. J'ai trouvé qu'elle a commencé à se détacher de Superman, ce dont on a parlé dans le pilote, le fait qu'il était trop présent. Et dans cet épisode, on en parle beaucoup, mais en créant des limites avec le personnage de Superman. Donc, j'ai trouvé l'épisode plutôt intéressant. Et donc, Heroes Reborn, un peu moins bien, après le double épisode super qu'il nous avait fait June 13, l'épisode de cette semaine, j'ai pas aimé. Enfin, et The Walking Dead, encore pour la deuxième fois, je n'ai pas fini l'épisode. Je reprendrai plus tard. Voilà. D'accord. Et toi, Léo, cette semaine, série? Je suis à jour sur les séries que je suis. Enfin, sauf sur Supergirl, du coup, je suis un peu à la bourre. Mais Gotham, il faut bien que je continue, puisque personne ne continue ici. Je vous juge tous. Oui. Mathieu, ouais. Ça, c'est un bon patron, ça. Ouais. Donc Gotham, ça continue à être toujours aussi bien, enfin, pour moi, de mon point de vue, surtout même du point de vue de l'acteur de Bruce Wayne, qui était un peu moins mauvais que les dernières fois, j'ai trouvé, donc c'était plutôt bien. Agents of S.H.I.E.L.D., je suis la tendance, hein, c'est pour moi toujours franchement brillant. Je vais pas en dire plus, je vais finir par me répéter par rapport aux semaines précédentes. Flash et Arrow, on en parlera après. Et Heroes Reborn, je continue avec vraiment un bon intérêt. Il y a quelques détails que je trouve un petit peu, qui pourraient être un peu plus étoffés, un peu plus approfondis, un peu plus densifiés, mais pour autant, je trouve que ça reste vraiment très agréable et je serais vraiment curieux quand la série s'arrêtera, de savoir quelle sera leur décision, à savoir si ça sera juste une saison normale, une mini-série, voilà, ou qui continuera avec une saison 2. Donc voilà pour moi. Ok, et alors pour ma semaine série, je suis à jour sur tout, comme chaque semaine, sauf sur les zombies, comme la semaine dernière aussi. Donc je pense que je vais préférer regarder un mini-marathon cette année, plutôt que de regarder chaque semaine. Gotham, j'ai pas envie d'en parler. The Walking Dead, j'ai pas envie d'en parler. Supergirl, Irish, on n'a pas dû voir le même épisode, parce que cette semaine, effectivement, on parle moins de Superman, mais on le voit, donc je vois pas ce qu'il y a de mieux. On voit sa botte. Voilà, enfin, ouais, c'est, je suis toujours assez désolé à chaque fois que je raccroche avec Supergirl. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Bah oui, Agents of Shield, évidemment, voilà, je vous rejoins là-dessus. The Flash Arrow, on va en parler. Et puis bah Jessica Jones, j'ai pas le droit de vous dire que c'est bien pour le moment, et j'ai pas le droit non plus de te dire, Léo, que tu vas te faire dessus. Tu sais pourquoi Jessica Jones? C'est pourquoi je te dis que tu vas te faire dessus. Il ne pouvait en être autrement. Dès le pilote, ça dure une demi-seconde, mais j'ai pensé à toi. Ah. Voilà. Allez, on va commencer dans l'ordre alphabétique, plutôt que d'en choisir une parce qu'elle est mieux que l'autre, ou parce que voilà, on va faire l'ordre alphabétique, et on va commencer donc par Arrow. La preuve qu'on commence pas par le meilleur. Bon, après vous verrez, hein, peut-être que vous serez pas d'accord, mais voilà. Alors, dans Arrow, à quoi on a assisté depuis la dernière fois qu'on en a parlé? On a assisté à une résurrection. On a assisté à une résurrection. Deux résurrections. Oui, c'est pour ça que je dis ça. On a assisté à le retour de Mama Smoke. Bordel. Et puis j'arrive même pas à vous dire quoi d'autre. Parce... La mère de Felicity. Ah, d'accord. Okay. Ouais, Mama Smoke, oui. C'est... Le un autre retour aussi, Constantine. Autre résurrection. Constantine, effectivement. Le début de la magnifique intro de Oliver, objectif 2016, Mary. Voilà, Oliver, Queen for Mayor. Le clonage de Felicity en mec aussi. Pardon? Ah oui. Le double de Felicity, mais en mec. Ouais, mais en bien. Ah, oui. Oui, en bien. Et puis voilà, donc en gros on a assisté à la résurrection d'une morte, la résurrection d'un mort qu'on savait pas mort, la résurrection d'un personnage qui n'avait plus de série. Maintenant, est-ce que la qualité de la série a aussi ressuscité depuis la dernière fois? On va en parler. Je vais vous demander tout de suite, pour donner le ton un peu, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement, comme d'habitude. On place le curseur, Arnaud. Un début de saison assez catastrophique, hein. Mais c'est de mieux en mieux. On retrouve pas non plus la qualité des saisons précédentes, notamment dans la saison 2. On est très très loin. Mais la qualité a tendance à aller vers le haut, plutôt qu'à être de pire en pire. Et les derniers épisodes sont regardables. Clément? Enfin, je suis pas aussi drastique que par rapport à Arnaud, par rapport au début de la saison 4, même si c'est vrai que c'est pas politique, notamment avec les 3-4 premiers épisodes qui n'étaient pas génial. Maintenant, sur les 2-3 épisodes, on trouve un semblant de qualité. En tout cas, ils font pas pire que la saison 3, et je commence petit à petit à reprendre plaisir à regarder cette série. Donc on trouve un peu de qualité, forcément c'est bien en dehors de ça de la saison 2, mais il y a de la qualité quand même, et ça se regarde, même si il y a quand même des points négatifs, et globalement c'est loin d'être là aussi catastrophique pour le moment que la saison 3. Irish, je dirais mitigé. Le début de la saison était dans la continuité de la saison 3, donc c'est-à-dire catastrophique, et depuis on va dire 3 épisodes, c'est en train de remonter la barre. Notamment, je dirais même que la série se ressemble sur ce qui faisait son succès. Les flashbacks sont un peu... On a même un peu moins... J'ai l'impression qu'on a moins de flashbacks. Et avec Oliver qui est de retour sur l'île. Et ensuite, quoi d'autre, ils arrivent un peu à gérer la multitude de personnages qui commencent à savoir un peu comment gérer le temps d'écran, l'importance. C'est beaucoup meilleur par rapport à ce qu'on a connu la saison dernière. Ça s'améliore vraiment. Mais est-ce que ça va passer la barre de la moyenne? On n'en est pas encore là. Lui, est-ce que tu dis le même avis que tes 3 précédents comparses, ou? Je mélange les avis d'Irish et d'Arnaud, à vrai dire. Je trouve que la série continue de faire un peu les montagnes russes au niveau de la qualité. Il y a 2-3 trucs qui sont pas mal et qui ramènent en effet à là où, où la série en venait dans ses premières saisons, ce qui faisait un peu son charme, etc. Mais parfois retombe carrément dans ses travers avec des trucs que je trouve un peu genre grand public, un peu carrément trop léger, surtout niveau scénaristiquement. Voilà quoi. Le passage avec Constantine, on va sûrement en parler. C'était plutôt sympa, mais voilà. Après, ça peut pas non plus tout faire en termes de qualité, mais bon, donc pour atteindre la moyenne, vraiment, si je devais l'animer, je l'animerais vraiment très difficilement. D'accord. Pour ma part, je suis très très gêné quand on regarde cette série, la plupart du temps. J'ai pas entendu. Ah ouais, je pensais. Pour ma part, je suis très très gêné quand je regarde cette série, la plupart des épisodes, et ouais, ça commence à être gênant là. Donc il va falloir se poser la question de saison 5 ou pas saison 5 à mon avis, parce que... Ouais. Voilà. Ça c'est dur. Moi, il y a quelque chose qui continue à me gêner. Je pense que c'est ça qui fait un peu, qui fait que j'ai un peu du mal, etc. C'est Lorraine. Ah oui. Tout ce qu'elle entraîne, notamment avec le retour de Sarah. Et aussi le point de ramener un personnage dont on sait pertinemment qu'elle va s'en aller. Bon, après, je sais pas si peut-être je me trompe, mais je pense que Sarah, elle s'en va. Elle est partie d'ailleurs à la fin de l'épisode de dernier. Bah, voilà, exactement. Ouais. Donc, du coup, ça fait que depuis à peu près 3 épisodes qu'on nous bassine avec quelqu'un dont on sait pertinemment que. Qu'elle va pas rester. Voilà, qu'elle va pas rester. Puis on sait qu'elle est dans les Legends of Tomorrow, là. Oui, non, justement, c'est par rapport à ça que. Par rapport à ça dont je parlais, donc t'as l'impression que toute cette partie de la série, ils en ont fait un teaser ou un préquel pour Agent of Time. Bah, c'est un peu ça. Hein. C'est pour introduire la série. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Laurel est vraiment. Enfin, déjà c'était un personnage assez détestable dans les trois premières saisons. Mais là, elle est juste énervante. On a envie de la baffer. Elle chicale sans arrêt, elle ressasse exactement les mêmes arguments à chaque fois qu'il y a un problème, peu importe ce qui se passe, t'as l'impression qu'elle a un argument et qu'elle le plaque à chaque fois. Genre, ma sœur est morte, tu m'as pas dit qu'il y avait un moyen de la ressusciter, mais pourquoi tu m'as caché qu'il y avait le puits de Lazare? Ce n'est pas la même, mais ça reste ma sœur, et pourquoi tu m'as caché qu'il y avait un puits de Lazare? Enfin, à un moment, il faut que le personnage évolue. Elle a pas bougé depuis, je sais pas, une saison et demie. J'ai une bonne proposition d'évolution sous terre. On est tous dans cette série-là, malheureusement. Mais, encore avant, quand elle était procureur, ça passait. Moi, ça ne me gênait pas. Pas que ça ne me gênait pas. Elle était chiante, mais vu qu'elle faisait pas partie de l'équipe, pas que tu la prenais pas au sérieux, mais tu on la voyait déjà moins. Voilà. Et ça. Tu donnais pas autant d'importance. Déjà, moi, j'ai trouvé son passage de procureur à justicière qui casse, mais totalement. Bah, elle est pathétique en super-héros. Je sais pas si tu prends par exemple Théa et s'est fait entraîner par Malcolm, qui est un ancien de la Ligue des Assassins. Sarah, elle a suivi un entraînement pendant des mois perdu sur l'île, mais elle s'est entraînée dans un ring de boxe pendant 2 semaines et ça y est, elle peut faire comme tous les autres. Mais justement, elle peut pas parce qu'elle se fait casser la gueule à chaque fois qu'elle va sur le terrain. Bah, normalement, si la série rien un peu, quand on voit tout ce qu'Oliver a dû faire pour en arriver là, normalement, elle aurait dû mourir dès la première opération sur le terrain. Et ça, j'ai toujours du mal à digérer ça, en fait. Elle a un magnifique cri qui l'aide, tu vois. Ça, on peut en parler. Ben voilà, on touche là à la première chose, parce que j'ai une longue série de choses gênantes, hein. Donc, une des choses, gênantes avec le mot clé chez moi ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés? Non, mais vous les voyez, sérieux, Que sans Oliver, ils sont tous nuls. Ils le disent eux-mêmes au début de la saison. Ils sont tous nuls. Mais vous les voyez débarquer, tous à sauter, les pattes en avant, là, comme s'ils étaient dans des cases de comics. C'est bon, on a compris. Ils jouent le super-héros. Mais les super-héros, ils sont pas obligés de débouler les pattes en avant à chaque fois, de sauter, là, comme ça. C'est débile. Quand ils se battent, il n'y en a pas un qui est crédible. Même Oliver, maintenant, quand ils se battent, quand ils se bagarrent, j'ai l'impression que c'est cheap, que c'est raté. Surtout qu'ils se battent de plus en plus dans des espaces très éclairés, genre des bâtiments et tout ça. Et du coup, tu vois bien ces mouvements. Oui, des hangars, du coup, tu vois bien ces mouvements. Alors, dans les premières saisons, ils étaient souvent dans des ruelles sombres, et donc, du coup, tu voyais moins. Non, mais tout tu te rendais moins compte de la chorégraphie assez naze. En quoi Théa, elle est crédible? Théa, moi je dirais que c'est un peu. Demi-monde, elle bouge les bras en l'air, t'as l'impression qu'elle essaie de se débattre de la noyade, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est pas possible. On se souvient de son magnifique combat contre Raz. Ouais, voilà, Diggle avec son casque, on n'en parle pas non plus. dites-vous que dans maintenant 2 mois, ces mecs-là, ils vont être dans le même univers qu'une autre série qui va s'appeler Legends of Tomorrow et qui aura quand même pas la même gueule au niveau de l'équipe. Et c'est en ça que j'anticipe aussi. Ouais, mais ça va être vraiment gênant, la comparaison entre la Team Arrow et la Team Legends of Tomorrow. C'est là qu'on va voir quand même, voilà, à quel point, du côté de chez Arrow, là, il va falloir vraiment se sortir les doigts et nous faire des trucs. Et même, ils ont, la magie est arrivée très rapidement, c'est limite normal pour eux, alors qu'ils ont, à peine introduit les méta-humains de Flash, ils sont à peine introduits dans Arrow, qu'on débarque déjà avec la magie et tout ça, et ça se mélange assez mal, je trouve, avec la série. Mais là, c'est la complémentarité des deux séries qui rentre en jeu, moi. Et justement, je trouve que Flash, avec ses méta-humains, et que la magie, tout ça, qu'ils essayent d'introduire, parce qu'ils veulent un univers cohérent, ça dénature Arrow et le projet de départ qui était de justement d'ancrer ça dans un univers réaliste. Et justement, ils ont fait ça pendant plus de 2 saisons, voire 3 saisons. Il y a un méta-humain dans la saison 3 et c'est tout. Enfin, en plus de Barry, les deux. Mais sinon, ils appuient pas énormément sur cet aspect-là. Et j'ai l'impression que c'est dans cette saison-là, parce que Flash a cartonné et qu'on va nous amener le voyage dans le temps et tout ça avec les Legends of Tomorrow. Ils essayent de vraiment appuyer le côté surnaturel avec les méta-humains, et surtout avec la magie, avec Damien Dark et puis John Constantine, mais ça se mélangeait pas assez bien avec l'univers de la série. Bah moi, un autre truc qui m'a gêné, c'est que le meilleur moment de la saison pour moi jusque-là, c'est l'apparition de Constantine. Oui, non, mais cette série est relativement regardable, en tout cas, évidemment, les trucs de Constantine, c'est le meilleur moment de la saison, parce que t'as un peu une part de, on va dire, de mystique, de surnaturel, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé, pour rebondir sur ce que Clément disait, j'ai bien apprécié cet épisode, parmi les 6 qui ont été diffusés, c'est sans doute celui que j'ai préféré, c'est l'épisode avec Constantine. Mais j'aimais bien, justement, ces interactions avec Oliver et dans les flashbacks et avec le reste de la team dans le présent. Sauf les scènes où il employait la magie, justement. Toutes ces interactions étaient intéressantes. Sauf les moments de magie et le moment où ils vont dans l'autre royaume pour libérer l'âme de Sarah, j'ai trouvé ça assez pathétique quand même. Ouais, je suis d'accord. Ce qu'ils font là-bas, je trouvais ça un peu bof. C'était vraiment très sérieux. Ça va être difficile. Ils vont se battre pour garder son âme et genre en 5 minutes, c'est fait. Elle est coincée dans un puits. Au moment où on les voit, ils sont sur le puits et ils attendent. On les voit attendre et regarder John Constantine se battre. Ils attendent alors qu'on leur dit c'est difficile. Il va falloir se battre. Il va falloir l'aider à sortir et tout. Et eux, on les voit en arrière-plan attendre. Pour moi c'est l'épisode juste avant celui-là que j'ai trouvé vraiment bien. Je pense que c'est celui où Oliver pose sa candidature. Voilà, c'est celui où il y a une armée de la police, une armée, une brigade de la police les flics corrompus. Bon, à la fin t'as une leçon de morale un peu, bon, pas à 2 balles, mais c'était à peu près le discours qu'Oliver avait dans les premières saisons, et donc t'avais cette impression de retour aux sources, surtout que c'était dit par le Captain Lance, qui était, d'ailleurs Oliver lui avoue qu'il était son modèle, pendant longtemps il a toujours essayé de faire en sorte que le capitaine le reconnaisse. Et moi j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, même si la fin... Ouais. Je trouve que cet épisode-là, il avait l'air, et j'ai l'impression qu'il a été écrit comme ça, d'un épisode de saison 1. Ouais, alors que la série a évolué, du coup c'est plus possible de proposer un épisode de ce genre-là, totalement déconnecté et sans parler de tout ce qu'il y a autour, alors que la série a énormément évolué en un an. Mais je suis d'accord, la série peut avoir évolué, mais entre-temps s'être perdue là elle s'est perdue, ça c'est clair. et donc ce retour aux sources te permet de retrouver tes fondamentaux et moi j'ai beaucoup aimé ça m'a plu. Je pense pour moi c'est le meilleur épisode que d'ailleurs il me semble on disait que voilà c'est mauvais et lorsqu'on a fait son écran il y a 2 semaines j'avais dit voilà je retiendrai bien je trouve que Arrow commence à remonter un peu la barre et depuis cet épisode là les épisodes ils sont un peu moins mauvais que ce qu'on a connu. Je suis assez d'accord sur le fait notamment que l'épisode avec Constantine était quand même plus, enfin un peu mieux que les autres, notamment parce qu'il y avait cette espèce de semblant d'originalité avec des guillemets, parce que bon là on avait un nouveau personnage qui arrivait et qui un petit peu bouleversait la trame qu'on avait pu voir avec Arrow, parce que le problème d'Arrow que j'ai noté au cours de ces quatre saisons, c'est que ils se prennent vraiment souvent au sérieux, ouais. Et que ils s'en rendent pas forcément compte, et ils continuent, et au fur et à mesure, la matière et la substance de la série se délite, et là, au final, ça finit par donner des épisodes complètement en roue libre, complètement random au niveau de la qualité, et donc quand Constantine est arrivé, ça a paradoxalement redonné un petit goût de... un petit truc en plus, un petit quelque chose, quoi. Mais là, ça suffit pas, quoi, il y a clairement pas de, voilà, on dirait qu'ils font pas d'efforts, on dirait qu'ils continuent à livrer les épisodes à l'appel, et voilà, quoi, et que ça doit faire pseudo grand public, pseudo, super-héros à la télé, mais voilà, contrairement, donc, à The Flash, par exemple, qui, lui, se prend un peu moins au sérieux, vraiment dommage. Ouais. Bah, autre chose aussi que je voulais mettre aussi en avant, c'est que, bon, vous allez dire, je parle trop des premières saisons, mais dans les premières saisons, ce qui se passait, dans le passé, Les flashbacks avaient été très liés à présent. Je parle par exemple avec Deathstroke. Avec Deathstroke. Voilà, il était dans le passé avec lui et il combattait dans le présent également. Donc c'était pas mal. Aujourd'hui, moi je vois pas de lien entre ce qui se passe dans le passé et ce qu'on a aujourd'hui dans le présent. Sauf justement dans l'épisode de Constantine où le passé te permettait de comprendre qu'il l'a connu et pourquoi il lui doit. Pourquoi il a une dette envers lui qui va payer en venant l'aider par rapport au Kassara. Mais là, ce qui se passe dans le flashback. Je pense et j'espère qu'on va finir par nous révéler que c'est lié à l'intrigue et qu'en fait le mec derrière tout ce qui se passe sur l'île, c'est Damien Dark et qu'il cherchait quelque chose sur l'île, ouais, pour son plan contre Star City. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai compris. Et j'espère que ça va être ça, plutôt qu'une intrigue en flashback totalement déconnectée du présent, comme ça a été le cas dans la saison 3. Et après, c'était très mauvais. Je pense que ce que tu dis, Irish, c'est assez important et c'est assez symptomatique, à mon avis, de quelque chose. C'est que je ne suis pas sûr qu'au lancement de la saison, ils avaient prévu d'aller plus loin que 2 années. On a vraiment l'impression que, même au niveau des flashbacks, tout avait été écrit pour 2 ans, et que là, ils se retrouvent à avoir une série qui fonctionne. Et que ça les emmerde presque parce que là du coup ils essaient d'inventer, de relancer des trucs et au final tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison c'est faire mourir ou revenir des personnes mortes, rappeler des anciens personnages. Ça me rappelle rien. Enfin voilà, il y a rien de nouveau là. Il se passe rien de nouveau. Dites-vous qu'ils sont tellement au bout du rouleau et ils savent tellement plus quoi foutre qu'ils vont nous mettre Mama Smoke avec le détective Lance. Ah oui, alors ça. Non mais moi ça me rappelle les trop gros Prison Break. Exactement ce qui s'est passé sur cette série. Moi je trouve qu'on a les mêmes ingrédients et au fur et à mesure ça va être pénible à regarder. Si tu veux dire oh là là, merde, on a 42 minutes. Oh. Oui, là, pour moi, c'est que gênant, mais bientôt, ça peut être pénible, ouais, si ça continue comme ça, parce que maintenant, ça en devient visible, ils ne savent plus quoi inventer. J'avouerais que pour le dernier épisode qui a été diffusé, là, j'ai regardé parce que j'ai vu, sur une photo promotionnelle, j'ai vu Ray. J'ai dit, ah bah, tiens, Ray, il revient. Oui, bah, parlons-en de son retour. Voilà, je me suis dit, bah, tiens, je vais voir pour savoir comment est-ce qu'il revient. Et pour dire même, j'ai regardé avant de regarder The Flash. Ah ouais. Ok. Oui, ouais, faut y aller. Mais du coup, on peut en parler 2 secondes du retour de Ray Palmer, là. Pas avec la mini-crise de Felicity. Bah, crise de couple, bah, de toute façon, ça. Bon, la rigueur, c'est bien parce qu'elle est réglée et on va pas je suis sûr qu'elle va encore tourner entre les deux pendant toute la saison, enfin, voilà. C'est insupportable. Bah, j'ai l'impression, non, c'est fini pour moi. Ouais, je suis pas sûr. Non, ça va revenir. Parce que pour le moment, Ray, il est pas au courant qu'elle est avec Oliver. Ils ont bien évité soigneusement de lui dire pour le moment, mais il va forcément avoir un moment où il va mettre les pieds dans le plat et il va essayer de la reconquérir, de la pêcher. Il me semble à la fin de la saison dernière, quand il se faisait tous mettre en cage par Ra's al Ghul, là, il avait compris que c'était. Je sais pas. Enfin, en tout cas, parce qu'elle lui demande son avion et il comprend que c'est pour Oliver. Oui, oui. Bref, voilà, ça va revenir de toute façon, c'est certain. Mais après, on casse du sucre. Faut quand même dire que ça remonte un petit peu par rapport au début de saison et par rapport à la saison dernière. Après, non, c'était pas toi, non, pour toi, Mathieu. Pour moi, c'est la même soupe. Non, moi je serais pas. Il y a eu un éclair avec l'épisode de Constantine. Parce qu'à la rigueur, j'avais l'impression que Matt Ryan avait l'air content d'être là. Et c'est ça qui manque. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus contents de faire ce qu'ils font et qu'ils sont un peu en roue libre, en mode automatique et vas-y, je te fais les scènes de baston, je te fais les scènes dans le QG, machin, tout ça. Et là, il y a Matt Ryan qui est arrivé, qui avait l'air plutôt content de reprendre son rôle, parce qu'évidemment, il s'attendait pas. Eux qui avaient aussi, on avait aussi l'impression que ça avait l'air content de le voir et d'avoir enfin un truc un peu nouveau et stimulant à faire. Et puis, bah, rapidement, la semaine d'après, on s'est retapé, la smoke et puis la routine. Oui, c'est ça aussi, c'est l'équilibre entre les forces. Toi, j'ai l'impression que Damien Dark, il peut les détruire, mais toute l'équipe de bras cassés, comme tu dis, en 2-3 secondes. Et bah, c'est ça, vu comme il est présenté comme puissant, je comprends même pas pourquoi on en est à autant d'épisodes sans qu'ils soient tous morts. Exactement. Mmh. T'as l'impression que déjà, lui, il dort. Tu sais pas, son plan, il met quand même un peu de temps. Je me souviens, le mec avec le joueur de cartes, là. Pourquoi lui, il est capable de les détruire tous d'un claquement de doigts et il ramène le mec de Winamax, hein, c'est vraiment pas nécessaire. Ah, mais non seulement c'est en rolling, mais en plus c'est frustrant, quoi. Enfin, c'est. Bah ouais. C'est du foutage de gueule, c'est du remplissage. C'est ça, c'est du remplissage. Donc faudrait peut-être un peu qu'ils s'activent tous. Ouais, comme tu dis, du remplissage. Tu prends la copine de la mère de Liver qui a voulu se présenter à la mairie et à la fin de l'épisode, bah finalement je me retire. Ça n'apporte rien, ça n'enlève rien. Ça c'était pour que lui se présente. C'était pour comprendre que personne en sécurité, que lui peut être en sécurité et du coup que lui aide sa ville de manière je pense non justicière. Et puis avec Gotham, ça fait beaucoup d'élections municipales en ce moment-là. Gotham, c'est beaucoup mieux amené. Ça me fait mal de le dire, mais ouais. Donc du coup, ouais. Donc peut-être que vous trouvez que c'est mieux que la saison 3, hein, parce que c'est vrai qu'elle était atroce cette saison 3. Mais pour moi, le constat va être le même à la fin de l'année. Hein. Si ça continue comme ça, oui. Hein. Et oui, si ça continue comme ça, il n'y a pas que nous qui allons faire un truc, parce que je regarde les audiences. Là, le dernier épisode, il a fait 2,3 millions de téléspectateurs. Et pas non plus, enfin, c'est pas mauvais pour la CW. Mais ça reste bon pour la CW. Hein. Tant qu'il fasse ça, il va pas s'arrêter. Hein. Ouais, mais ça, si ça baisse un peu, non, parce que là, c'est bon. Vampire Diaries, The Originals, tout ça, ça fait 1 million et quelques, et c'est toujours à l'antenne. Ouais, c'est vrai. Surtout que Arrow, après 4 saisons, bon, voilà. Et puis ils en ont besoin pour Flash, Legends of Tomorrow. Voilà, et puis regarde les taux qui sont des taux quasiment aussi forts que des Supergirl, ou même plus forts que des Agents of S.H.I.E.L.D. pour The Flash. Voilà, sur leur cible, ça marche, quoi. En janvier, on aura le renouvellement en janvier, je pense. D'ailleurs, légère parenthèse, mais j'ai lu que le tout dernier épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. a fait la pire audience de l'histoire de la série. Avec un taux pour la deuxième ou troisième fois inférieur à celui de The Flash. C'est hallucinant, mais j'espère qu'ils vont pas supprimer cette série-là, parce que... Non, elle aura une dernière saison. Ça, ils en ont besoin pour la syndicat. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la syndication. C'est des grands networks comme ABC dans ce cas-là, qui revendent les droits de diffusion aux chaînes du câble. Et en fait, plus t'as d'épisodes, plus tu peux vendre d'épisodes, donc gagner plus d'argent. Et en général, la syndication, ça se fait autour des 70-100 épisodes. Et donc là, ils viennent d'avoir 50 épisodes. Donc s'ils rajoutent 22 épisodes l'année prochaine, ils peuvent atteindre pas loin des 100 épisodes et vendre ça pour un gros pactole. Après 4 saisons, il sera plus de 80. Oui, donc, pas loin des 100. On va revenir sur Arrow et Flash. Vous avez d'autres choses à ajouter sur Arrow ou on peut passer à The Flash? Flash. Ok. Ouais. À suivre maintenant à Arrow, on y reviendra pour le bilan de mi-saison, fin décembre, selon le calendrier des émissions programmées. The Flash. Alors, dans The Flash, à quoi on a assisté? On a assisté, clairement à l'expansion du multivers, qui est un mot placé. Earth One, Earth Two sont des expressions importantes dans la série. On a eu droit à l'arrivée d'Harrison Wells version Terre 2 sur Terre 1. Zoom s'est un peu révélé, c'est même bien révélé. Ouais, salement révélé. Récemment. Les enjeux sont posés, on va se trouver avec un nouveau speedster sans doute prochainement. Jay Garrick est là, a priori il est toujours sur Terre 1, même si on le voit très peu. Voilà, ça déroule pour le moment, mais est-ce que ça déroule mieux que Arrow, ou est-ce que ça même déroule bien, tout court, donc très rapidement encore une fois, pour placer le curseur, et on va faire à l'envers cette fois, donc je vais commencer, et oui, ça va. on est loin de ce que, enfin voilà, je suis loin de ce que j'ai pu dire sur Arrow, dans ce que je vais dire sur The Flash. Léo. Moi, j'approuve. Le seul épisode qui m'avait déçu, c'était Flash of Two Worlds, parce que je l'avais trouvé un peu vain et un peu vraiment décevant. Et le seul défaut que je pointerais, ce serait Jay Garrick, mais on va peut-être en parler, parce que je le trouve pour l'instant trop inutile et trop figure de fanservice, entre guillemets, mais pour le reste, je continue de convaincu. Même Iris, même si elle reste toujours assez emmerdante, elle m'emmerde un peu moins. Donc, c'est dire si la série a un peu progressé et est toujours aussi agréable à regarder. Iris. Très bon. C'est vraiment passionnant. Je trouve que la première saison était bon, ça continue toujours dans la même veine. Avec le dernier épisode avec Zoom, ça, c'était très agréable. Surtout à la fin, là, en toute fin, où il se balade dans toute la ville avec le. On peut spoiler, hein, non ? Oui. Avec le corps, mais avec Barry, entraînant Barry, il se promène, il va au. Il va à la police, il va à Star Labs et il travaille à Iris. Oui, non, là, Flash, on a des allumières de ce qu'on a pu dire sur Arrow. Traitement, les personnages, même le nouveau détective Spivet, elle ne m'ennuie pas. Je trouve son côté un peu. Elle a un côté, comment dire, pas gnangnan, mais. Ah, je trouve pas le mot, mais. On reviendra dessus après, alors, ouais. Rapidement. Voilà. Clément, placez plutôt aussi ton curseur. Je suis du même avis général. Hein. Il y a des années-lumière de Arrow. Je prends toujours plaisir à regarder cette série. Je m'éclate toujours autant. On sent que les acteurs sont d'être là. Je prends plaisir. Puis oui, non. Puis, enfin, j'ai un niveau de. Enfin, c'est du fan service dans la série, bien sûr. Mais voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il respecte les fans et qu'ils prennent plaisir à faire ça. Et moi, je. Pour autant de plaisir, même si c'est peut-être un petit peu en deçà de la saison 1, de la saison 1, cette saison 2 commence vraiment très bien. C'est vraiment l'une des séries que j'adore regarder durant ma semaine. Et puis, le dernier épisode m'a donné raison à un tour, pour le coup, hyper menaçant et qui m'a vraiment fait, qui m'a vraiment donné l'impression que lui peut mettre vraiment très très très cher. Vraiment, c'est vraiment très réussi. Et Arnaud? Comme tout le monde, j'adore ce début de saison. J'aime beaucoup les nouveautés comme le nouveau Firestorm, enfin la nouvelle moitié de Firestorm. J'aime bien Patty Pivot. J'adore ce personnage dans les comics et la voir comme ça. J'adore ce qu'ils en ont fait. J'aime Zoom bien sûr, c'est un nouveau méchant effrayant et très menaçant. Et bon, il y a quelques petits défauts, on en parle comme disait Léo, Iris, toujours catastrophique, et l'histoire de sa mère, tout ça, ça va pas en s'arrangeant. Oui, exactement, on s'en fout. Ouais, sinon, dans l'ensemble, les nouveautés sont correctes, c'est vraiment très plaisant, et assez ambitieux. Ok. Avant de parler de nouveautés, j'ai envie de vous parler de Révélation et de vous parler de Cisco. Ah oui. Parce que quand même, il n'est pas pour rien si les épisodes sont aussi sympas et machin. Ouais. C'était déjà plutôt visible en saison 1, mais ouais. Là, sur ce début de saison 2, il a vraiment droit à une grosse mise en avant. Il a son nom de vibe, etc. Il a eu un épisode complet qui était centré presque exclusivement autour de lui. On a droit à des petites. Enfin voilà, dans un épisode, Did you vibe me? D'ailleurs, c'était très marrant. Ouais, ça, quand voilà, c'est hyper plaisant ce qui se passe autour de lui. L'acteur, est toujours aussi agréable à suivre et il prend la lumière, quoi. Je veux dire, c'est Cisco et voilà, on a eu la révélation Léo Fitz sur Agents of S.H.I.E.L.D. Mais voilà. Je pense que Cisco prend le même chemin sur. Certainement l'une des, voire la meilleure évolution de personnage, quoi, parce que ça a pas été en fait soudain finalement, c'est une évolution qui a été plus ou moins constante et qu'on n'a pas l'impression que c'est mec ça là comme ça d'un seul, c'est vraiment quelque chose de progressif et que c'est naturellement, et du coup on voit son évolution et c'est que ça rend le personnage encore plus plaisant en fait. Et c'est une évolution qui est vraiment subtile et en douceur. Ouais, parce voilà. Qu'on la voit pas on la voit pas forcément de semaine en semaine, on s'en rend compte quand on fait des gros gaps. Par exemple, là, j'ai revu, moi, cette semaine, en début de semaine, l'épisode avec le Pied Piper, qui était au milieu de la saison 1, où il était pas mal mis en avant, parce que c'était une espèce de confrontation entre les deux, comment dire, les deux élèves d'Harrison Wells. Je sais pas si vous en rappelez un peu. Ah oui. Et du coup, c'est vrai qu'on a plus du tout le même. Il était déjà très bien dans cet épisode-là et l'évolution, est, on le voit. Hein, c'est il a pas changé. C'est le même Cisco, mais il y a beaucoup plus de nuances et tout ce qui faisait Cisco a été creusé, a été bien exploité depuis. Et du coup, on a un personnage qui a pris beaucoup de relief. C'est ah oui, non. En tant que Vas-y Léa. En tant que actif, enfin Cisco reste vraiment le même, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est toujours là, il garde toujours ses vannes, il fait toujours ses petites punchlines, il continue à aider Barry, à aider donc le super-héros qu'il est, il lui fabrique une oreillette pour l'aider parce que Barry est devenu aveugle quand il va au rendez-vous avec Patty. Voilà, ça reste le même, mais c'est vrai comme tu disais, en filigrane, en passif un petit peu, bah le personnage il continue, enfin il prend les événements, il les prend, il les digère et tu le vois à chaque fois, et tu vois à chaque fois que ça améliore, que ça pousse chacune de ses facettes, et c'est vraiment un sacré pari réussi parce que moi personnellement au début je trouvais Cisco vraiment être assez, j'avoue qu'il m'emmerdait un peu parce que je trouvais que c'était vraiment une caricature de geek et qu'il balançait des punchlines et qu'il était un peu, voilà, qu'à cause de ça, bah, il faisait presque un peu de tâche. Finalement, bah, au fur et à mesure, c'est plus du tout devenu ça, quoi. C'est vraiment devenu le meilleur sidekick possible pour The Flash, un ami, un proche, un consultant, un conseiller. Enfin, il est vraiment, ouais, l'évolution est vraiment balèze. Ouais. J'avais oublié cette scène, effectivement, du repas au restaurant où il est là avec son soda. Ouais. Ben justement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que je trouve qu'il est même dans, il est beaucoup plus impliqué dans les temps morts de la série. Le personnage est beaucoup utilisé, notamment la scène au restaurant ou encore la scène avec où il rencontre. On a l'introduction de Hawk Girl. Ouais. Il essaie de la draguer. Et même quand il son côté scientifique, il y a toujours des petites vannes à côté. Donc c'est vrai que c'est le personnage, il rajoute toujours quelque chose à chaque fois à tout ce qu'il fait. C'est toujours très drôle. Donc sa présence à l'écran, elle est toujours gratifiante. On s'identifie pas mal à lui en plus. Oui, bah clair, bah, carrément. Oui. C'est le geek de la bande, comme on l'a vu l'année dernière. Mais c'est pas forcément. Le geek chiant, c'est pas le geek chiant. Il a... Ah non, du tout. Mais toutes ces références, toutes les références qu'on a vues déjà en saison 1, forcément, ça s'identifie bien plus à lui. Et il dédramatise beaucoup les situations. Tu vois, quand t'as un nouveau méchant et que lui va te sortir un nom, ou quelqu'un va sortir un nom, il va dire oh non, ça c'est pourri. Ou... Oh non, je te déteste d'avoir trouvé ça avant moi. C'est le seul mec qui va quand même rouler une pelle à une méchante. Hein. Il roule une pelle à Golden Glider. Bon, allez, c'est pas une émission sur Cisco, malheureusement. On va donc passer à autre chose. Donc, bah, Patty, une des nouveautés de cette année. Patty et sa romance avec Barry, qui réussit presque l'exploit de pas être confiante. Ouais. Pourtant, elle est mièvre. Hein. Même l'intrigue, c'est quand même un cul, hein. On va pas se, voilà. Mais oui, ça passe. On a connu, car moi, c'est vrai que j'ai mal au début avec le personnage et la romance. Bon, la romance, c'est pas d'intérêt, ça fait pas évoluer le truc. Et l'actrice est plutôt crédible, quoi. Elle en fait pas des tonnes et finalement, elle est, enfin voilà. Elle rend son personnage, entre guillemets, attachant, même s'il y a des trucs relous par rapport au personnage, etc. Mais globalement, on a connu pire, quoi. Oui, ça aurait pu être un énorme cassage de gueule en termes de personnage féminin chiant, tout ça. Au final, bon, on savait qu'il allait avoir une romance avec Barry assez rapidement. On l'a eu, ça bouffe pas l'écran, elle continue, enfin, elle se montre sans être chiante, voilà, quoi. Elle évince un peu Iris, donc ce qui est plutôt un bon point. Ah oui. Tout ce qui peut passer à Iris est un bon point. C'est pas faux. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir avec Iris, mais une autre nouveauté. Chaque fois, vous dites Iris, vous avez parlé de moi, quoi, pardon. C'est vrai que tu n'as pas trop de chance. T'as appelé Barbara. Hein. Une autre nouveauté, Jay Garrick, t'en parlais, Léo, toi, c'est plutôt une nouveauté qui te décevait. Donc on va voir un peu les autres si vous aussi ça Jay Garrick vous déçoit un peu. Moi aussi, hein, clairement, j'en attends beaucoup plus, quoi. Je suis d'accord, il sert pas à grand chose, enfin même à rien. Et des épisodes entiers où on le voit pas, dans le dernier épisode, il fait une apparition pour dire « je ne suis pas d'accord avec vous et au revoir ». Et clairement, oui, c'est après son introduction à la fin du season 1, qui est vraiment l'épisode centré sur lui, l'épisode 2 qui était vraiment centré sur lui. On voit un petit peu dans le 3, je crois. Après, il disparaît complètement. Il revient dans l'avant-dernier, je crois. Il sert vraiment à rien. Et j'ai vraiment eu très peur de ce début de romance avec Kathleen. Nulle part. J'espère qu'ils vont pas tomber là-dedans. J'espère qu'ils vont vraiment pas tomber là-dedans. Parce que la manière dont elle a de lui parler, de dire la dernière fois qu'on le voit, il dit qu'il est pas d'accord avec leur plan. Et elle lui dit, oh, mais t'es sûr que tu veux partir, reste avec nous. Enfin, la manière qu'elle avait de lui parler, d'essayer de le convaincre de rester avec elle, ça m'a vraiment fait peur. Bah, t'es foutu, elle a failli l'embrasser. Mais oui, c'est évident qu'il va avoir une romance. C'est vraiment con parce que c'est le seul truc qui lui arrive à peu près à Jay Garrick, c'est une romance complètement sortie de nulle part. C'est vraiment dommage parce que en même temps, quand il a pas ses pouvoirs, faut dire que bon, il est complètement inutile. Quoi. Enfin, dans le camion, il se dans le camion, du coup, il est pas aidé parce qu'il a pas de pouvoir. Oui, justement, c'est peut-être ça aussi. Ça montre son impuissance, ça met aussi en avant son inutilité. Mais pour ça, il faudra déjà. Il pourrait être présent et avoir une utilité au labo. Parce qu'il a quand même une certaine connaissance de Zoom, de l'autre monde, il a intelligence, un scientifique, tout ça. Il pourrait avoir une utilité. Or, soit il est absent, ou quand il est là, il sert strictement à rien. Excuse-moi, Eric. C'est vraiment une pure impuissance et surtout, enfin, il pourrait y avoir une vraie opposition, notamment par rapport à Harrison Wells, parce que bon, la seule chose qu'il lui fait, c'est lui mettre un pain dans la gueule et ensuite se casser. Enfin, on aurait pu avoir un Jay Garrick au labo et qui se confronte à Harrison Wells. Ça aurait pu être un truc un peu intéressant de ce coup-là. Mais peut-être là aussi, peut-être qu'il n'est pas là par opposition à Harrison Wells, mais plutôt par opposition à Barry. En gros, Barry sans ses pouvoirs, sans sa vitesse. Et ça, tu l'as un peu. Non, je pense pas. Avec Jay Garrick. C'est pas du tout montré comme ça. Non, bah, Jay Garrick, il a été utile pour introduire le multivers, il a été utile, pour ces choses-là, Earth 2 et compagnie, pour faire des jolis clins d'œil, des jolies petites choses dans Flash of the Worlds, parce qu'il y a quand même de vrais beaux clins d'œil dans cet épisode-là, mais c'est tout. Ça s'arrête là pour le moment, et c'est un peu dommage. Amène Wally West pour qu'il serve à ça. Justement, par rapport notamment au Flash of Two Worlds, j'ai trouvé que c'était dommage que, justement, comme il avait pas ses pouvoirs, du coup, ils ont remanié l'épisode, ils l'ont annoncé Flash of Two Worlds, et ils ont, du coup, sorti un nombre incalculable de références, et du coup, ça donnait pas un épisode non plus très très, ça donnait l'impression d'avoir un épisode classique avec juste une espèce de couverture Flash of Two Worlds, et du coup, ça m'a vachement déçu parce que c'est quand même un comics assez mythique, et là, du coup, bah, ça faisait shit pour moi, ça aurait pu être vraiment meilleur. Oui, après, c'est vrai que le titre, le titre est connu, machin, le numéro est connu, après, c'est pas forcément un bon numéro, hein. Sentir. C'est juste qu'il apporte quelque chose au multivers et à l'univers DC, forcément il est mythique, et c'est vrai que quand on utilise ce titre-là, on s'attend à plein de choses, mais après l'essentiel de ce qu'il y avait dans Flash of Swords au niveau des clins d'œil à faire a été fait, après l'histoire de Flash of Swords, dans le comics, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est décevant, ça aurait pu être un peu plus agréable avec les deux Flash, enfin bref, c'est qu'un épisode. Oui, voilà. Le nouveau Harrison Wells est là. J'aime beaucoup aussi. Tu m'as devancé. C'est comme le Beaujolais nouveau. Non, j'aime beaucoup. Mais j'avais un peu peur, moi, qu'on aille un Harrison Wells vite, on va dire, par rapport à l'autre. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est un personnage qui est total. Enfin, il est vraiment différent de l'autre Harrison Wells. Et je trouve qu'il apporte quelque chose. Enfin, moi, il fait oublier le Harrison Wells de la saison 1. Attends, la mystique. Ouais, attends, la mission, mais quand Zoom va enlever son masque. Oui, mais j'espère pas quand même. Mais il y a vraiment que si ce n'est pas Zoom, je trouve que l'acteur s'énerve vachement bien, quoi, parce que du coup il est en train de faire un tout autre personnage, et ça fait que je trouve que c'est quand même assez crédible grâce à son jeu d'acteur, quoi, parce que c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit évident quand même de faire le même personnage en termes de nom et prénom, mais finalement c'est un personnage quand même assez éloigné de la première version, je trouve. Après, si Harrison Wells s'avérait être Zoom, on sait jamais, hein, tout est possible. Ouais. Ils sont quand même pas si cons. Il serait quand même sacrément culotté de nous refaire le coup, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, je crois un peu à cette éventualité et ça expliquerait beaucoup de choses, notamment pourquoi sa fille n'est toujours pas morte. Non, mais c'était... Parce que Zoom est censé être un personnage impitoyable qui tue machin sans réfléchir, enfin voilà, qui a aucun intérêt de la garder cette jeune fille en vie, et pourquoi elle la garde en vie et pas les autres? Bah, justement, parce qu'elle est liée à Harrison Wells. Ouais. Hein? Parce qu'elle est liée à Harrison Wells, je pense. Je pense que Zoom, pour l'instant, il a du mal aussi à cerner Harrison Wells, à savoir ce qu'Harrison Wells est vraiment venu faire là. C'est pour ça qu'il la garde comme un part. Voilà. Ouais, je pense, ouais. Ça doit être peut-être un moyen de pression. Voilà. Donc, il sait pas. Je sais pas. Non, franchement, si nous font le coup que Zoom, ouais, ça va être vraiment du foutage de gueule. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, mais franchement, ça peut être. Ça m'étonnerait qu'à moitié, qu'au final, on apprenne que c'est lui et que, bah. Moi, tu vois, je préférerais que ça soit, Zoom, que ça soit Editorn. Qui soit quoi? Editorn, que ça soit Editorn. Ah. C'est pas fou non plus, parce que tout le monde est revenu, pourquoi pas lui? Bah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais là aussi, en attendant qu'on en sache un peu plus, tout ça, pareil, ramener Harrison Wells, ramener le même acteur, tout ça, ça laissait perplexe, et ça avait quand même une... Oui, mais ça marche. Mais justement, j'y arrive, c'est-à-dire que ça pouvait vraiment se casser la gueule sur le papier, et finalement, ça donne un truc plutôt bien, quoi. Ça fait un peu une espèce de mentor inversé pour Barry, une opposition à Jay Garrick, une nouvelle façon un petit peu de voir les choses, et c'est plutôt, et surtout, enfin, le fossé qu'il y a pour Barry et le spectateur à le voir cette fois un vrai mentor et pas forcément comme le méchant annoncé. Et au final, c'est là aussi où j'apprécie encore plus Cisco, c'est parce que c'est quand même, je trouve qu'ils lui font quand même confiance vachement vite. Incroyable. En même temps, t'as vu. Le laisse traîner dans les labos, à utiliser ce qu'il veut. Alors que Cisco, lui, justement, il essaye de le viber, justement, et. Parce que lui, il sent bien que peut-être il y a quelque chose et qu'il va pas non plus lui donner sa confiance comme ça. Et pour le coup, il a une réaction qui me paraît bien meilleure. Enfin, je sais pas, les autres. C'est le moins con quand même, parce que franchement, Jay Garrick, il arrive, il lui faut genre, ils lui font un épisode entier de test. Harrison Wells, il arrive, il fait coucou. non mais moi justement, ce que j'aime bien sur ce Harrison Wells là, c'est que il est par exemple, Léo, tu disais, il y avait une relation inversée avec Barry. Justement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas, c'est pas binaire, et c'est pas l'ancien Harrison Wells n'était pas gentil, et celui-là, il va se ramener, et c'est totalement l'inverse de Harrison Wells, là, gentil. On va faire un petit point sur le pouvoir de Vibe, et c'est là où vous allez comprendre encore pourquoi j'insiste sur Harrison Wells Zoom. Vibe, quand il vibe justement quelque chose ou quelqu'un, il est censé pouvoir le faire et ne voir que des choses dans lesquelles les objets ou les personnes sont présentes. Pourquoi il voit la scène où il y a Zoom et la fille d'Harrison Wells quand il touche Zoom, quand il touche Wells? Non, est-ce qu'il touche? Il n'est pas là. Il touche quelque chose qu'à Wells qui est relié à sa fille. Non, il lui touche la main quand il fait tomber un truc. Quand il va voir Wells et qu'il tente de le viber et que Wells est en train de travailler sur un truc et que du coup il lui touche la main alors que... La main ou l'épaule ou je sais plus quoi, mais oui c'est ça. Du coup, comment il fait pour à la fois péter la gueule à Barry sur le toit et à être en bas On a déjà eu le Starlab. Nous a déjà fait le coup. Bah ouais, on a déjà eu ça. Le voyage dans le temps et que Zoom est encore plus rapide que tout ça. Donc Ouais. Bah voilà, moi je dis attendez-vous quand même à ça. Si c'est ça leur clip de mi-saison, je hurle. Là. Encore plus que la dernière fois où j'avais déjà hurlé tellement c'était assez inadmissible comme clip. Voilà, donc c'est que de l'hypothèse, machin, tout ça, il y a quand même deux trois trucs qui font tiquer, alors peut-être que c'est exprès. Hein. Mais par rapport à ce que tu disais, Mathieu, il me semble qu'en par rapport à la façon de vibrer de Cisco, il me semble que lorsqu'il voit pour la première fois Dr. Light en train de braquer une banque, il a rien qui lui appartient, il n'a rien. Il est juste au café en train d'essayer de serrer la serveuse et subitement il a une vision. Il a une vision de Dr. Light en train de braquer la banque. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ils prennent leur temps sur Vibe aussi. C'est pas une mauvaise chose. Non, non, ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, mais bon, on verra. Quoi d'autre sur cette deuxième saison, sur les intrigues, Earth 1, Earth 2, on a appris récemment que Barry allait aller sur Earth 2, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ah ouais. Firestorm aussi, peut-être. Oui, j'allais dire. La nouvelle moitié de Firestorm, ouais, qui est plutôt cool. Plutôt cool, ouais, c'est plutôt bien amené, plutôt sympa, et c'est cool de revoir Firestorm, qui est quand même, je trouve, un super héros très très cool. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, donc je suis très content. Et Hawk Girl aussi. Et Hawk Girl. Allô? Oui? Je sais pas si ça a coupé quand Rich parlait. Ah non, j'ai dit et Hawk Girl aussi. Ah oui. On a posé là comme ça, et après, bah, plus rien. On va revenir pour l'épisode de mi-saison, de crossover. Le prochain épisode, là, je crois. Ouais, bah non. Ah. C'est pas le crossover, hein. Non, c'est la fin. Là, c'est encore un épisode, et ensuite, c'est le crossover. Ouais. Mais elle est dans le crossover. Bah, de toute façon, faut bien qu'elle ait son date avec Cisco. Ouais. Ouais, et puis à la fin, il y a Hawkman qui va arriver, et puis après, hop, la scène suivante, c'est le crossover. Il y a Hawkman dans... Bah oui. Oui, il y a Hawkman aussi. Mais là, c'est mardi, dans Legends, il va apparaître dans le crossover. Et là, je crois que la suite, là, c'est mardi, il y a un épisode, donc du coup, avec juste Hawk Girl et Hawkman, je crois. Ensuite, c'est le crossover, et ensuite, c'est le truc sur Legends of Tomorrow, il me semble. Je sais pas. Le truc sur Legends of Tomorrow, c'est le crossover. En même temps, on s'en fout, puisqu'on fait un débrief, donc on parle pas de choses qui sont pas. Ah, c'est le crossover. Ah oui, pardon. Quoi d'autre sur ce qu'on a vu jusque-là? Zoom. Bah, Zoom, oui, quand même, qui nous fait une démonstration de force assez incroyable. Il a brisé tout. C'est quand même assez marquant, cet affrontement. Traîner Barry dans toute la ville et de dire à tout le monde, regardez-le. Et c'est surtout que là, l'inverse, on va dire, du Riddler Slash, c'est que là, pour le coup, on le sent vraiment menaçant, quoi. Il est imposant, il envoie quelque chose, et il est quand même, je trouvais qu'il était quand même assez flippant, sur certains points, quoi. Il est assez creepy, et même dans son costume. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord, parce que c'est la même chose. Je trouve que autant, Hobart Phone, enfin, River Splash, on se disait que, franchement, enfin, Barry, avec un peu plus de rodage, surtout qu'on était en saison 1, donc il commençait aussi à maîtriser le pouvoir et tout, enfin, il allait finir par le battre. Autant là, Zoom, il y a vraiment des doutes, quoi. Il est vraiment extrêmement puissant. Il défonce Barry avec une puissance, et puis, ça va vraiment être très, très, très dur, quoi. Bon, après, encore une fois, pourquoi il a tué tous les speedsters et pourquoi il tue pas Barry et lui prend pas sa vitesse? Prévu, mais moi, j'ai trouvé un peu léger, ce qui fait qu'il s'enfuit, là. Au moins, il va finir avec Barry et c'est juste la fléchette de Cisco. J'aurais aimé quelque chose d'un peu, explosif qui l'amène à pas tuer Barry. Mais encore une fois, voilà, il y a un petit manque de logique, là. Et voilà, parce que c'est le héros de la série, on va pas le tuer tout de suite. C'est ça, enfin. C'est ça. Ça sonne un peu artificiel, cool, quoi. D'ailleurs. Après, la démonstration de force et tout ce qu'on sait de lui. D'ailleurs, c'est peut-être... Pardon. Ça manquait un peu de couilles d'ailleurs, parce que Barry, il est guéri en 2 secondes. Bon, pas totalement, bien sûr, mais dans la foulée, tu vois, tu n'as pas le temps de t'inquiéter pour lui, quoi. Il y a vraiment un gros truc et ensuite. On se quitte quand même sur un Barry. Je veux dire, pas totalement, c'est-à-dire que oui, parce que. Non, merde, on fait que du coup. Ouais, mais non, quand même, moi j'étais quand même mal. Mal pour moi, parce que c'est quand même pris très très cher. Ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le temps de s'inquiéter pour lui, parce que dès la fin de l'épisode, tu sais déjà qu'il est. J'ai envie de dire que de toute manière, on regarde la série de Flash, on s'attend pas. Moi, je m'attends pas vraiment à Secret, quoi. On va avoir la Flash de Barry Allen d'un autre. Et un autre Barry Allen qui n'a pas. Enfin, là, je m'attendais pas. Après, il traîne très cher, moi. Très bien, parce que là, pour le coup, on a vraiment un bad guy hyper menaçant. Je trouve que c'est d'ailleurs le bad guy le plus menaçant qu'on a eu droit depuis plusieurs années, Double Super. Surtout qu'il n'y a pas le côté un peu, Harrison Wells, il avait le côté un peu, même s'il avait son côté méchant, il s'est attaché un peu. Lui, il n'y a pas de sentiment. Sentiment, il ne connaît pas. Sans pitié, qu'il est là, c'est pour faire mal, pour taper tout le monde, et donc il est prêt à le faire. Et là, en fait, j'ai trouvé, c'est comme on a dit, hein, le lapin de l'état de cette semaine, trimballe Barry, c'est hyper efficace. C'est vraiment très efficace, et j'ai trouvé ça vraiment... Avec les ralentis, quand il le traîne, ça c'était très joli. D'ailleurs, j'ai une question sur ce, juste une question sur ce final. Que Barry perde ses jambes, certes, mais est-ce que C'est vraiment con comme question, mais c'est juste par doute personnel. Ça doit. Est-ce que c'est lié par rapport au fait que que Zoom lui plante le sérum, ou juste parce qu'il lui a, tellement poutré sa gueule, il est tellement puissant que du coup, bah, ça s'est répercuté sur les jambes de Barry. Zoom, à un moment, il rentre son ouais. doigt, je crois, dans le ventre de Barry, la colonne vertébrale. Je pense pas que ce soit là. Je pense que à un moment, il lui donne un coup de poing dans le dos et t'entends tout craquer. Je pense qu'il a dû, briser la moelle épinière, un truc comme ça. Hein. D'accord. Ouais, je pencherais plutôt pour ça. Ou en tout cas, voilà, c'est un coup. Ouais, c'est ça. Beaucoup. Mais bon, j'aurais peut-être une petite critique sur la série en général, dans toute façon, dans tous les épisodes, et parfois la construction qui me laisse parfois penser au, ce qui passait sur les mangas, les Speedvan, Charivan, qui avaient une construction toujours comme du papier à musique, c'était toujours c'était toujours la même chose. Là, je trouve qu'il y a toujours ce détail où la première fois où on introduit le méchant, il faut toujours qu'il fasse un truc de ninja, il lance un écran de fumée, il s'enfuit. C'est quand même un speedster, Barry. Donc, je vois pas comment on peut arriver à lui faire faux bond. Donc, à chaque fois qu'on introduit un méchant, il y a toujours un premier combat et après le... Ah oui, non, mais ça, c'est une structure hyper classique qu'on voit dans beaucoup de séries aussi héroïques et même dans d'autres séries, voilà. T'as toujours un premier affrontement ou qui se finit mal pour après se relever et voilà. Je suis d'accord, c'est la façon dont ça se finit mal. C'est la façon dont on se finit mal. C'est parfois un peu tiré par les cheveux. Et les US, quoi. Ouais, c'est un côté très américain, là, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Bien, voilà, et ben, le jour et la nuit, du coup, entre Arrow et Flash, pour le moment. On va laisser les deux séries évoluer maintenant. On va les retrouver une fois que leur moitié de saison sera terminée. On va faire un débrief à mi-saison. Et puis, par la suite de l'année, mais voilà, en tout cas là pour le moment The Flash, clairement on n'en reparle pas avant décembre voire janvier selon la date de fin de saison et le planning des bilans qu'on va prévoir. La semaine prochaine nous serons avec les séries zombies, donc on vous parlera de The Walking Dead et de iZombie. Il va falloir que je rattrape. Ouais, The Walking Dead aussi, hein. Donc c'est le programme pour la semaine prochaine. Dans deux semaines, on vous parlera évidemment de Jessica Jones, qui sort demain, donc vous aurez le temps d'avoir regardé un petit peu la série avant d'avoir notre débrief. Ce sera pour toute fin du mois de novembre ou 2 décembre, je ne sais plus exactement. Voilà, en tout cas, il y a un marathon à faire. Vous avez deux semaines devant vous avant qu'on vous fasse le bilan de la saison. D'ici là, évidemment, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.